petite mazurka là, j'aimerais la jouer pour toi. Et que mes doigts courent sur les petits boutons de l'accordéon, cette petite mazurka là, je la danserai dans tes bras. Et si l'on est seul au bal, ce sera pas plus mal. Mes jambes sont maladroites, des parquets tenons-nous loin. Je ne veux pas dans mes pattes celles des voisins. Pas question que tu t'écartes, je me cramponne à ton dos. La mazurka c'est pas de la tarte pour un lourdeau. Cette petite mazurka là, j'aimerais la jouer pour toi. Et comme mes doigts courent sur les petits boutons de l'accordéon, cette petite mazurka là, je la danserai dans tes bras. Et si l'on est seul au bal, ce sera pas plus mal. Sur nos corps je me concentre, suivant tes conseils dociles. Pour danser faut être au centre de son nombril. Tu me vois qui me déhanche, tu te portes à mon secours. Et je me raccroche aux branches de notre amour. Cette petite mazurka là, j'aimerais la jouer pour toi. Et que mes doigts courent sur les petits boutons de l'accordéon, cette petite mazurka là, je la danserai dans tes bras. Et si l'on est seul au bal, ce sera pas plus mal. Mais qui mène cette danse? Est-ce vraiment l'accordéon qui est calé sur la panse du vieux Léon? Où les couples qui s'élancent, la mazurka dans la peau, qui impose la cadence, le bon tempo. Cette petite mazurka là, j'aimerais la jouer pour toi. Et que mes doigts courent sur les petits boutons de l'accordéon, cette petite mazurka là, je la danserai dans tes bras. Et si l'on est seul au bal, ce sera pas plus mal.